Il est 10h. La Radio Parfaite présente les Nouveaux Horizons. David Christoffel reçoit Julien Labia. Thank you. Le pianiste Philippe Bianconi dans la barcarolle en fa dièse majeur, opus 60 de Frédéric Chopin. Bonjour Julien Labia. Bonjour David. Vous êtes traducteur de Karl Dalaos et plus spécialement de l'esthétique de la musique qui vient de paraître chez Vrin, dans lequel on lit cette phrase « Bien que la barcarolle de Chopin évoque encore l'image de Venise, ses aspects singuliers, ceux qu'on ne saurait reproduire, lui sont plus essentiels que les traits généraux partagés avec d'autres morceaux du même nom. » Autrement dit, c'est pas si important que ça ce que ça s'appelle barcarolle. Ben oui, c'est un petit peu le paradoxe de cette histoire de la musique, parce que c'est une histoire de l'esthétique, c'est un livre philosophique sur l'esthétique, mais c'est aussi une philosophie de l'histoire de la musique. C'est un de ces paradoxes d'articuler des références qui appartiennent à des époques très différentes. Et cette barcarolle de Chopin que vous avez mis, sur laquelle vous avez insisté, David, eh bien, arrive à la fin d'un chapitre qui porte sur le XVIIIe siècle, et dont l'idée centrale, en quelque sorte, est de montrer qu'on passe d'une conception de la musique où ce qui était important, c'était de représenter des choses de l'extérieur, comme dépeindre la nature, comme exprimer le chaos ou le chant des oiseaux, à une musique qui se sépare complètement de ça, qui passe dans l'expression personnelle, qui essaye de se détacher de ce qu'elle est censée représenter, donc de Venise pour la barcarolle de Chopin par exemple, mais pour se faire surtout en fait expression de quelque chose de personnel. Ça va en fait dans la réflexion de Dalaos avec l'idée un peu centrale qui rattache pour le coup, lui, beaucoup plus tard dans son ouvrage, au fond, au XXe siècle, qui est l'idée qu'on s'éloigne progressivement des genres musicaux et qu'au fond, ce qui compte avec le temps, ce n'est plus tellement la catégorie à laquelle l'œuvre appartient, c'est d'abord l'expression singulière du compositeur et donc ici, plus du sentiment de Chopin dans son langage propre que d'une quelconque Venise qu'on devrait avoir ou représenter. Quand on dit ça, on est musicologue ou on est philosophe ? Parce que vous êtes philosophe, on pourrait dire philosophe de la musique, vous êtes donc traducteur de Karl Dalaos. Est-ce que lui, il a étudié la musicologie et la philosophie ? Quand il a ce type de considération, vous le considérez plus donc musicologue ou philosophe ? Moi, je le trouve très philosophe. Jean-Jacques Nattier dit des choses un peu curieuses. Il dit Dalaos, c'est plus philosophe que musicologue, mais il dit aussi, finalement, il est plus pragmatique que philosophe, ce qui est un peu curieux, ça a l'air d'être un reproche. Je pense que ce qu'il entend par pragmatique, c'est pas le pragmatisme au sens moderne, issu de William James ou d'autres figures philosophiques. C'est plus l'idée que pour lui, tout ce qui est efficace est bon, et son recours à la philosophie est un peu comme cela. Utiliser dans la philosophie ce qui fonctionne, ce qui permet de faire avancer la réflexion sur la musique. Et j'étais assez surpris parce qu'on m'avait prévenu un peu de la difficulté de cet ouvrage quand on a monté une équipe pour travailler dessus, et je me suis rendu compte qu'une des difficultés tenait à la densité philosophique, et donc c'est vrai que pour moi c'est une réflexion de philosophe, et c'est évidemment un livre de philosophie, on ne fera pas de statistiques, mais si on regardait un petit peu, on a beaucoup plus de philosophes cités que de compositeurs. Mais ça veut dire donc que la philosophie peut aider à rendre la musicologie efficace ? J'irai pas jusque-là pour d'abord ne me fâcher avec personne, et puis bon, ne pas donner l'impression de redonner l'idée d'une philosophie au centre de tout et de reine des sciences, ce genre de choses dont elle est heureusement en grande partie revenue, puisqu'on peut maintenant travailler, on peut collaborer aussi avec d'autres disciplines. Mais ce qui est certain, en tout cas du point de vue de Dalaos, c'est que la précision de l'analyse philosophique permet d'alimenter vraiment à la fois la réflexion sur la musique et en même temps la construction de l'histoire de la musique comme autant de blocs. De blocs de sens ou de questions qu'on se pose. Et c'est ce qui permet, je pense, ce rapprochement entre cette barcarolle de Chopin du 19e et toute cette réflexion du 18e siècle qui commence quand même par des choses qui peuvent un petit peu surprendre, hein, par la citation d'un texte de Nickelmann de 1755. Eh bien, la force de la position philosophique de Dalaos, c'est d'arriver justement à montrer comment c'est un problème esthétique, celui de savoir si on dépeint ses propres sentiments ou si on représente quelque chose d'extérieur qui permet de faire ce lien entre deux œuvres. Christophe Nickelmann, qui était claveciniste aux côtés de Carl-Philippe Emmanuel Bach dans la chapelle de Frédéric le Grand, et qui effectivement thématise cette question, savoir, par exemple, on prend l'allegro d'une symphonie de Mozart, qu'est-ce que ça fait à notre sentiment ? Et il permet de donner des réponses à ce type de questions. Mais je crois que c'est la force de Dalaos, c'est d'arriver à montrer qu'on a des choses qui relèvent du genre, comme un allegro de symphonie, comme une forme très très très codifiée, et puis progressivement on s'éloigne de ces règles d'écriture qui ne sont pas des styles individuels pour arriver à quelque chose qui relève de l'expression personnelle. Ce que je trouve frappant dans la manière dont Dalaos écrit les choses, c'est son goût pour le fondu, hein, cette manière dont on glisse progressivement d'une question à une autre. On ne sait pas tout à fait où est le point de passage, mais on sent qu'il y a des glissements dans l'histoire de la musique qui sont inscrits progressivement dans les œuvres ou dans les idées. L'Allegro moderato, premier mouvement de la 50e symphonie de Mozart avec Nicolas Hardencourt à la tête du Concertus Musicus de Vienne. Julien Labias est censé nous mettre en joie et travailler notre joie. C'est un peu toute la question que pose Dalhaus par rapport à la musique du passé. On ne peut pas dire qu'il réfléchisse sur la réception aussi directement que ça, d'abord parce qu'il est héritier du formalisme, donc il a toujours une manière un peu distanciée d'envisager le sentiment, ce qu'il fait d'ailleurs avec beaucoup d'ingéniosité, parce qu'il est aussi par ailleurs critique du formalisme, et très proche de certaines pensées comme celle de Hegel, qui sont des idéalismes extrêmement, extrêmement éloignés bien sûr du formalisme. Ce qui est surprenant dans son rapport au passé, c'est ce qu'il peut nous dire par exemple de Machaut ou de Josquin. Pour lui, ce sont des fossiles, hein, c'est-à-dire ce sont des œuvres qu'on a conservées sans forcément savoir pourquoi. Et pour lui, c'est presque mauvais signe, quand il écrit ça en 1967, que le public puisse recommencer à s'intéresser à l'œuvre de Monteverdi. Ça lui paraît un petit peu aberrant, un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que ce qui l'intéresse, c'est que les œuvres soient encore en vie. Je me permets de citer son texte de Dalhaus. Ce qui nous concerne dans le passé, c'est ce qui nous y est étranger. Donc c'est un peu curieux, mais selon lui, il y a une sorte de dialectique, une sorte de raisonnement qui permet de penser qu'il y a des œuvres qui survivent, mais si elles survivent, c'est parce qu'elles font sens encore pour leur composition, pour leur réception au présent. Au fond, c'est lié à l'historicité de la pensée de Dalhaus. Pour Dalhaus, il n'y a musique que s'il y a réception, et si on faisait un peu de philosophie plus contemporaine, on pourrait dire que pour lui, une œuvre oubliée dans un tiroir, qu'on n'a jamais jouée, une œuvre qui n'a pas été écrite pour être jouée, comme une symphonie de Charles Ives, bien ça poserait en quelque sorte, ça poserait problème, puisque pour lui, il n'y a d'œuvre musicale réelle que si, en quelque sorte, elle est exécutée, que si elle fait partie du grand programme ou du grand répertoire. Mais et ça pourtant... veut dire qu'on n'a rien d'autre à faire en écoutant une œuvre que un travail de remémoration, d'identification de son époque ou quelque chose comme ça ? C'est un peu délicat parce que Dalhaus nous dit par ailleurs, hein, vraiment tout à la fin de son ouvrage, où on sent qu'il essaye de revenir au présent, hein, j'insiste pas trop sur la forme générale du livre, mais c'est quand même curieux, on commence par des présupposés historiques en citant Schoenberg, donc alors qu'on devrait partir de l'histoire, on part de quelque chose de plutôt récent, en tout cas pour lui, qui représente quelque chose de très vivant. Et on finit quand même, alors peut-être pas par Schoenberg, mais par des choses plus historiques, puisque dans les dernières pages, justement, on parle de Josquin et de Machaut. Et en même temps, nous dit Dalhaus dans les toutes dernières lignes de l'ouvrage, rien ne serait plus faux cependant que de penser qu'on découvre l'actualité du passé lorsqu'on lui donne la forme stylisée d'une préhistoire du présent. Donc c'est un peu compliqué, il y a derrière tout ça une critique du néoclassicisme, une critique de l'histoire un peu antiquaire, telle que Nietzsche l'avait formulée dans la deuxième considération intempestive. On a quand même cette idée que la musique du passé, il ne faut pas simplement la conserver ou la préserver, il faut arriver à la rendre vivante, mais en même temps la rendre vivante d'une bonne façon. Alors le petit paradoxe pour ce que Dalhaus dit de Machaut ou de Josquin, qui est quand même assez amusant, c'est que la thèse de Karl Dalhaus à l'université de Göttingen en 1953 portait justement sur les messes de Josquin des Prés. Ça veut dire qu'il avait changé d'avis à propos de ces messes ? Je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. Ce que je pense, c'est que, écoutez, il y a toujours un risque à faire un peu de prospective, hein, ou même peut-être même ici de prévision ou de prédiction. C'est très difficile de savoir ce qui se passe. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a un texte de 67. Et en faire la critique, c'est en faire la critique positive. Bien sûr, le texte a beaucoup de qualité, mais on peut aussi en faire la critique négative et voir qu'il y a dans ce rapport à la musique du passé quelque chose que Dalhaus, en 67, n'a pas vu venir. Le Sanctus, extrait de la messe Ave Maria Stella de Josquin des Prés par l'Italie Scholars. Jusqu'à midi, Julien Labias est l'invité de la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le Sanctus extrait de la messe Ave Maris Stella de Josquin des Prés avec Peter Phillips à la tête des Thalys Scholars. Julien Labia, vous êtes le traducteur de l'esthétique de la musique de Karl Dallaus et on était en train de se demander effectivement ce que les œuvres du passé pouvaient nous dire d'autre que du passé, si une vérité de l'œuvre pouvait être reconstituée dès lors qu'il y avait ce filtre de l'histoire entre elle et nous. Et il y a tout un questionnement de Karl Dallaus justement sur la musique à programme qui est censée savoir ce qu'elle nous dit d'une certaine façon. Il dit que l'expérience de la musique à programme ne signifie rien d'autre que, il cite Gervinus, la quête d'une langue qui se montre incapable de dire ce qu'elle a à dire. Oui, c'est une très bonne question parce qu'on est un peu le cœur de, c'est un des cœurs quand même du livre, c'est un point vraiment vraiment central et qui, comme toujours chez Dallaus, c'est très très très paradoxal parce que Dallaus a sur la musique à programme fait des choses très surprenantes. La première, je dirais, c'est d'abord si on prend juste l'ordre du livre, c'est quand même de faire un grand chapitre très précis sur le formalisme qu'il connaît très bien, qu'il analyse d'ailleurs assez remarquablement, et ensuite de passer à la musique à programme. Alors que n'importe quel historien de la musique, j'allais dire peut-être moins philosophe, en tout cas plus conventionnel, peut-être en un sens plus conséquent, si j'ose dire, aurait bien sûr traité du formalisme après la musique à programme, puisque le formalisme ouvre vers la modernité beaucoup plus que la musique à programme. On peut quand même se souvenir que la musique à programme, dans sa forme vraiment forte au XIXe siècle, telle que les poèmes symphoniques de Liszt, sont des œuvres qui ont quand même essentiellement disparu du programme des orchestres. Il ne faut pas forcément s'en réjouir d'ailleurs, mais ce sont des œuvres qu'on ne joue plus tellement. Donc il y a un petit paradoxe parce que, au fond, pour Dallaus, la musique à programme relance un peu sa réflexion à ce moment-là. Elle ouvre vers des œuvres très problématiques, mais qui l'intéressent particulièrement, comme Die Seejungfrau de Zemlinsky ou Péléas et Mélisande de Schönberg, où on sent bien qu'il y a cette interaction entre la musique et quelque chose d'autre, hein, quelque chose qu'elle est censée dépeindre, malgré la modernité des œuvres en question. Et il y a aussi ce petit paradoxe, hein, cette chose un peu centrale, qui consiste à bien voir que ce qui a été progressiste dans la musique à programme, c'est la manière dont elle a fait en quelque sorte entrer la musique dans la culture. Et ici, je trouve que c'est un très bon exemple de la méthode de Dallaus. Il nous dit assez simplement que le poème symphonique listien, c'est pas quelque chose qui va de soi, puisqu'on écrit à une époque où le sommet de la culture, c'est la littérature. C'est d'ailleurs l'époque où on écrit des grandes histoires littéraires à peu près partout, De Sanctis en Italie, Lanson en France, Gervinus, très important, en Allemagne. Et donc, ce qui est original et ce qui est fort, c'est de se dire que la musique doit s'approcher de la littérature justement parce que la littérature, c'est la forme suprême de culture. Et donc, si on veut que la musique accède au rang d'œuvre culturelle éminente aussi grande, voire plus grande que la littérature, il faut qu'elle soit capable d'adapter, en quelque sorte, les chefs-d'œuvre de la littérature, le Faust de Goethe, la Divine Comédie de Dante, pour penser à deux œuvres de Liszt, etc. Donc, il y a un progressisme dans la méthode et dans la volonté de ceux qui ont fait de la musique à programme. Ça consiste à dire la musique à programme, ça va être de la musique aussi haute et aussi importante que la culture littéraire. Mais le paradoxe... Ça veut dire que ce serait le summum de la musique absolue. C'est-à-dire que la musique autonome de tout autre art serait paradoxalement en fait une musique poétique. Je pense que c'est... Merci beaucoup pour cette remarque. Je crois que c'est effectivement un point très important. Pas forcément pour ce livre-là, mais pour l'œuvre de Dallaus, parce que ça mène, je crois, à ce qu'il écrira dans l'idée de la musique absolue assez longtemps après. C'est-à-dire la manière dont musique absolue et poésie absolue, en quelque sorte, peuvent être rapprochées. Alors on peut quand même insister sur le fait, évidemment ce n'est pas l'objet du jour, hein, bien sûr, mais on peut quand même insister sur le fait que cette idée de la musique absolue, justement telle que la présente Dallaus, est un concept qui ne va pas du tout de soi. Il n'est pas sûr que ça soit aussi efficace que ce qu'on peut penser. D'ailleurs, on commence à trouver dans la littérature musicologique, notamment aux États-Unis, des critiques assez fortes du rôle que Dallaus fait jouer à la musique absolue, où c'est quand même d'abord une critique, hein, ce caractère absolu de la musique, puis c'est quelque chose qui devient positif. Au fond, c'est un terme qui a tellement changé d'acception au fil de l'histoire de la musique qu'on peut s'interroger sur sa pertinence, en quelque sorte. Sachant que la musique à programme non plus ne va pas de soi, puisqu'il dit par exemple, le Faust de Goethe n'est pas le contenu de la Fausse symphonie de Liszt, mais simplement son sujet. Exactement. Et en faisant ça, en réalité, il reprend, sans le citer directement, une réflexion de Hanslick en 1854, dans Du beau dans la musique, qui dit très exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est distinguer le sujet et le contenu de la musique, si on veut s'en sortir. Alors le paradoxe, c'est que, bien, nous dit Dallaus, la modernité représentée par Berlioz ou par Liszt a plutôt été un frein quant au progrès de la musique, alors au terme de représentation symbolique. En termes d'idées dans l'histoire de l'art, effectivement, ça a favorisé la considération de la musique comme un grand art, hein, mais selon lui, ça a été plutôt une régression pour la progression de la musique. On peut peut-être souligner en passant que aujourd'hui, on sent un intérêt très fort pour la musique de Liszt justement, hein, pour son harmonie, hein, notamment de la part de compositeurs récents. Donc peut-être que c'est un argument de Dalaos qu'on peut discuter. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est la manière dont il insère justement la musique à programme comme en quelque sorte un cheval de Troie de la considération pour la musique. Thank you. Yasha Orenstein à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC Nord dans Méphistophélès, extrait de la fausse symphonie de Liszt. Julien Labia, on se disait à la lecture de l'esthétique de la musique de Karl Dallhaus que vous avez traduit pour Vrin, qu'effectivement la musique à programme n'était jamais aussi narrative finalement, parce que ça reste une musique qui a des jeux formels, et ça pose la question de ce que fait l'analyse, c'est-à-dire de ce que dans notre écoute on fait quand on repère des jeux formels, par exemple, et du statut qu'on leur donne. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, Dallhaus est assez... est un peu drôle. Il dit des choses qui finalement sont assez amusantes, assez provocatrices. Il ne faut pas oublier, je crois, quand on lit cet ouvrage, que Dallhaus a été quand même un certain temps critique musicale, ce qui faisait d'une manière assez intéressante. Il a gardé un peu le goût de la polémique, le goût de la formule. Et donc tout le dernier chapitre, qui est très vaste, qui est vraiment le plus long de l'ouvrage, est consacré à ce qu'il appelle des critères. Et en fait, il s'agit de parler de la critique et essentiellement de problèmes contemporains de la critique. Et il développe un petit passage, c'est souvent bref, parce qu'il a le goût aussi de réduire quelque chose en une formule pour ensuite le renverser en un argument polémique. Mais il cite Hans Mersmann, donc, qui a été un musicologue défenseur de la nouvelle musique, bien sûr, mais qui est un des sujets forts de Dallhaus aussi, qui a enseigné à la Technische Hochschule de Berlin, et qui d'ailleurs, comme pas mal des auteurs que cite Dallhaus, a eu ensuite des problèmes. Il a été suspendu d'enseignement donc, par les nazis à partir de 1933. Et ce que dit Mersmann, c'est dire une œuvre musicale, c'est seulement si on peut l'analyser qu'elle a de la valeur. Donc plus elle est en quelque sorte ouverte à l'analyse, plus elle s'y prête, eh bien en fait plus elle est musicale et plus elle a de valeur. Donc c'est un critère de valeur, bien sûr, pour la critique. Mais la difficulté que souligne bien Dallhaus, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour une chanson populaire qu'on ne peut pas tellement analyser? Est-ce que ça veut dire qu'il faut automatiquement lui mettre un coup de tampon négatif et dire qu'elle manque de valeur? Et puis qu'est-ce qu'on fait pour une formule qui ne fait pas partie de la langue de Dallhaus en général, mais qu'est-ce qu'on fait, nous dit-il, pour la noble simplicité du classicisme? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des choses aussi qui ne se prêtent pas à des analyses extrêmement complexes? Alors toute la force de Dallhaus là-dessus, elle est assez fascinante. Elle a un petit côté un peu amusant aussi, puisque comme on le disait tout à l'heure, pour lui, il y a d'œuvres musicales que s'il y a réception de l'œuvre par le public. Et Dallhaus de nous dire, mais au fond, dire que l'histoire de la musique passe son temps à se complexifier, donc à s'ouvrir à des analyses aussi des œuvres qui sont de plus en plus complexes et raffinées, eh bien c'est un peu une erreur. Il nous dit au fond, si on regarde bien, les compositeurs sont toujours obligés de simplifier ou de garder un degré de complexité équivalent pour certains aspects de la musique et d'en compliquer d'autres. Par exemple, s'ils vont compliquer l'harmonie dans une nouvelle œuvre, ils seront obligés de garder une texture mélodique ou une structure mélodique comparativement relativement simple. On ne peut pas changer, on ne peut pas faire évoluer tous les paramètres d'une même manière. Au fond, on ne peut pas développer de manière analogue tous les aspects d'une œuvre musicale. Ça lui donne deux cibles, Schoenberg et Wagner, l'idée étant que c'est impossible de développer autant la complexité du livret, la complexité de l'intrigue, et en même temps la complexité de l'harmonie ou de la mélodie. Et Dallhaus de nous dire... Pour Schoenberg, ça voudrait dire finalement que plus on fait complexe, mieux c'est, parce que ce serait un peu l'idée, sauf que même Schoenberg, qui est quand même en soi dans cette dynamique, n'arrive pas à s'y résoudre complètement. Oui, c'est ce que Dallhaus veut dire quand il dit que Moïse et Aaron, finalement, c'est dans la continuation des drames musicaux de Wagner, puisque la musique est au service du drame, et donc au fond, cette fonction-là ne se complique pas ou ne change pas tant que ça. Alors ce qui est amusant, c'est que Dallhaus de nous dire quand les compositeurs ne font pas le travail, c'est-à-dire quand ils ne font pas ce qu'il faut pour simplifier un aspect ou garder une complexité équivalente sur l'un des aspects, le public le fait tout seul. C'est ce qu'il dit dans ce même chapitre par ailleurs. Eh bien, quand l'œuvre est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on entendait avant, le public a lui-même, dans sa réception de l'œuvre, laissé de côté quelque chose. Il nous dit chez Bach, le public se concentrait sur la polyphonie et il ne prenait pas en compte le caractère novateur ou révolutionnaire de son harmonie, par exemple. Voici le largo extrait du quatrième quatuor à cordes de Schoenberg, opus 37. Jusqu'à midi, Julien Labia est l'invité de la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. quatuor Juilliard dans l'argot du quatuor à cordes numéro 4 opus 37 d'Arnold de Schoenberg, Julien Labbé, on était en train de se dire qu'effectivement à un moment donné la complexité formelle est devenue presque une valeur musicale en soi, mais que même Schoenberg s'en départit, et notamment ce que relève Karl Dallaus, c'est parce qu'il se met dans une continuité avec Wagner, avec un principe d'expressivité aussi. Oui, c'est vrai d'ailleurs, il y a aussi cette idée d'expression. Ce qui est très frappant, ça fait partie de mes surprises, parce que bon, quand on se lance dans la traduction d'un livre, même en équipe comme ceci, il y a toujours des surprises, il y a des choses qui apparaissent en cours de route. J'ai vécu une surprise assez curieuse, je pensais lire vraiment un texte qui portait sur le XXe siècle, et au fond c'est un texte qui est très centré sur le XIXe siècle. Mais c'est une surprise qui a aussi été, Madir Mandanuser, donc l'éditeur des œuvres, alors pas complètes mais presque, hein, de Dallaus chez Laber Verlag, donc une œuvre assez colossale. C'est qu'ils avaient été très surpris quand ils avaient rassemblé l'œuvre de Dallaus, de se rendre compte qu'il n'y avait finalement qu'un seul volume pour le XXe siècle et bien plus de deux pour le XIXe siècle. Et c'était de se rendre compte que ce Dallaus qu'on avait vu comme un défenseur un petit peu de la nouvelle musique, en tout cas comme un de ses critiques ou commentateurs les plus érudits et les plus précis, eh bien était encore en grande partie centré sur les problématiques du XIXe siècle. Mais c'est un peu la piste retenue par Dallaus. Si on veut avoir un certain historicisme dans la considération de la musique, ça veut dire qu'il faut regarder le XXe siècle comme quelque part une continuité ou dans la continuation du 19e siècle. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que lorsqu'il veut insister sur les réformes, hein, Dallaus parle beaucoup de l'opéra, ce qui est un peu curieux, parce que c'est par définition l'endroit où il est le plus difficile de faire des réformes, on le sait historiquement. Et selon lui, bon, il y a une idée un peu centrale, il y a en gros trois grandes objections, hein, à cette idée d'une réforme de l'opéra, ou en tout cas trois facteurs qui retiennent un peu ce progrès. D'abord pour lui, mais on vient d'en parler, hein, il n'y a pas de progrès qui soit également réparti. On ne peut pas faire progresser l'opéra dans tous ces domaines. Et ici, on sent le Dallaus dramaturge, parce que Dallaus a aussi été dramaturge, sur une recommandation d'ailleurs de Bertolt Brecht, qui est un peu amusant. Et Dallaus insiste beaucoup sur l'idée que la situation dans l'opéra, la situation scénique, la manière dont on doit en rendre compte, est très importante. Et c'est un peu l'une de ses objections centrales. Ça consiste à dire que l'opéra, c'est un peu trop resté, en tout cas dans l'idée qu'on s'en fait, dans l'esthétique qu'on s'en fait, un peu dans la philosophie qu'on s'en fait, la rencontre entre une musique et un texte, alors que la situation dramatique fait partie des choses dans lesquelles on peut innover. Ici, c'est un peu son côté brechtien. Alors bien sûr, il y a d'autres reproches, hein. Il y a le reproche classique du temple wagnérien, hein, qui consiste à dire qu'au fond, cette réforme de l'opéra, c'est un retour à une certaine forme de rapport religieux à l'art, ou en tout cas un fantasme d'un rapport religieux à l'art. Mais l'idée vraiment centrale, et je crois qu'elle est forte, elle est très, très intéressante, c'est que le progrès n'est jamais également réparti dans tous les domaines. Et pourtant, Wagner prétend un progrès quand il dit finalement que le drame musical dépasse la symphonie. Ce que Karl Dallaus va plutôt essayer de lui contester en mobilisant des références philosophiques, passant par Hegel, par Schopenhauer, pour montrer que c'est peut-être pas tout à fait si avéré. Oui, c'est un peu curieux parce qu'on parle de Hegel justement, et c'est le moment où Dallaus semble moins hegelien que d'habitude, parce qu'il semble quand même assez souvent marqué par la dialectique de Hegel, mais il nous dit même à ce moment-là, l'esprit du temps, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que l'opéra, c'est la traduction de l'esprit du temps, mais dans la mesure où c'est quelque chose qui existe à vrai dire? Pour lui, il n'y a pas de réforme totale de l'opéra, au fond, il n'y a pas de révolution de l'opéra, il y a peut-être simplement des révoltes, hein, pour reprendre certains de nos anciens dirigeants, hein, il n'y a pas de révolution au sens où c'est impossible de faire table rase du passé. Donc en un sens, hein, il y a quand même une critique d'un certain avant-gardisme dans ce propos général de Dallaus sur l'opéra et sur les révolutions, sur les innovations dans la musique. Au fond, peut-être... il considère Wagner plus rétrograde que Wagner ne se revendique, c'est ça ? Ben, en quelque sorte. Au fond, c'est un peu curieux, mais c'est un peu nietzschéen comme analyse. C'est l'idée que Wagner, peut-être que ça reste de l'opéra. Après tout, si on veut être un peu, on peut s'amuser un peu, hein, mais souvent, les genres échappent aux compositeurs. Si on réfléchit bien, Wagner n'a à peu près jamais rien écrit qu'il ait appelé un opéra, hein. Et pourtant, on joue bien Wagner dans des maisons d'opéra. On ouvre n'importe quelle histoire de la musique au chapitre opéra, on trouvera du Wagner. Donc peut-être que le compositeur, hein, c'est en tout cas un peu l'analyse de Dallaus, peut vouloir faire une révolution, mais au fond, c'est quand même l'histoire qui se prononce après coup. Hein. La Chouette de Minerve se prononce une fois que l'œuvre a été écrite, hein, si j'ose dire, et c'est quand même elle qui a raison. Donc toute l'idée, je crois, et c'est vraiment la piste, hein, que Dallaus applique à toute l'histoire de la musique dans ce premier grand livre, en quelque sorte, qu'il propose, c'est qu'il faut arriver à montrer que toutes ces choses-là sont interdépendantes. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment montrer qu'il y a des connexions entre les œuvres du passé, celles du présent, peut-être celles du futur, mais qu'il y a toujours des liens et donc une relation très très forte d'interdépendance entre les différentes époques et les différents aspects. Au fond, chez lui, l'interdépendance, c'est jamais que l'autre nom, hein, ou le nom technique ou scientifique de l'esthétique. Jusqu'à midi, Julien Labia est l'invité de la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le lever du jour, extrait de Siegfried de Wagner avec Philippe Jordan à la tête de l'orchestre de l'Opéra National de Paris. Julien Labia, vous êtes le traducteur de l'esthétique de la musique de Karl Dallaus qui est paru récemment chez Vrin. Et alors, on se disait finalement qu'il écoute Wagner avec des enjeux de progressisme, des enjeux philosophiques, alors qu'il y a d'autres compositeurs qui l'écoutent avec d'autres attitudes disciplinaires. Par exemple, quand il est critique musical, qu'il écoute César Franck, il se fait presque analyste. Mais c'est un peu la difficulté quand même de la perspective de Dallaus, et je crois que c'est un peu une morale de l'histoire sur laquelle il faut aussi réfléchir. Si l'on regarde bien le projet originel de Dallaus, vraiment au sens des idées, hein, de son terreau idéologique, hein, de sa besace d'idées, si j'ose dire, on a vraiment le modèle de Fernand Braudel, l'idée d'écrire une histoire de la musique qui soit capable d'être pluraliste, et donc qui comprenne qu'il n'y a pas un seul critère, qu'il n'y a pas l'esthétique d'un pays ou d'une seule tendance. Là-dessus, Dallaus dit souvent des choses très intéressantes. Ce qui est compliqué, c'est la manière dont il l'applique. Hein. Et là, il y a des choses qui sont un peu moins pertinentes, juste peut-être pour rappeler aux lecteurs, mais par exemple, chez Fernand Braudel, on a l'idée qu'à la Renaissance, un noble et un paysan ne vivent pas dans le même temps. Un paysan vit au jour le jour, alors qu'un noble vit avec une perception du temps qui est beaucoup plus grande. Donc c'est cette idée d'un relativisme, en quelque sorte, mais au sens très positif, d'un phénomène que Dallaus voudrait appliquer à la musique. Et ça ne marche pas aussi bien que ça. Moi, il y a deux exemples qui m'ont frappé. Alors, je précise que j'ai travaillé en parallèle, hein, d'ailleurs, de ce travail de traduction, sur le Dallaus critique musical, qui est peu connu. J'ai d'ailleurs rédigé un article en attente de publication sur cette question-là, parce que Dallaus a assez longuement écrit de la critique musicale. Il était d'ailleurs relativement doué, pour ce qu'on peut en juger à l'aune de son époque. Mais il écrit des choses un peu curieuses, par exemple lorsqu'il assiste à la création de la chronochromie de Messiaen. On a tout un mouvement de cette œuvre de Messiaen. Alors d'abord, il commence par dire que c'est une œuvre qui est destinée à être jouée une seule fois et oubliée à tout jamais, ce qui est quand même assez inexact. Il dit aussi ça d'ailleurs d'une œuvre de Penderecki qui est jouée au même moment. On pourrait presque dire que c'est de la formule de critique musicale pour le coup. Un peu. C'est-à-dire, bon, ça montre peut-être que Dallaus a été un bon critique musical, puisqu'il nous dit même à un moment dans son ouvrage qu'au fond, le préjugé de la critique musicale, il faut aussi arriver à le valider. C'est parfois en ayant des préjugés qu'on dit des choses, parfois indirectement, intéressantes. Mais la difficulté, c'est qu'il y a justement dans cette chronochromie un passage précis qui cite des chants d'oiseaux. Qui fait partie du... D'ailleurs, c'est le passage qui a été sifflé à la création, à la grande surprise de Messiaen, qui est assez curieux. Ils ont sifflé le passage le plus gentil de cette œuvre-là. Et ce que Dallaus en fait, c'est de dire, voilà, c'est de la musique décorative, comme on dit en allemand. Hein, et donc, c'est simplement de l'esthétique française, où on se contente de dépeindre ou de reproduire quelque chose d'extérieur, ce qui me paraît être un contresens assez fort sur la musique de Messiaen, et surtout un jugement esthétique peu informé. Et vous l'attribuez à quoi, ce contresens? Au fait qu'il a un background intellectuel trop allemand pour entendre les enjeux que Messiaen prend à la musique française? Mais je crois que c'est un peu le problème, c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire que cette histoire qui doit être très, très plurielle, elle est quand même très allemande dans ses références. Alors chez les esthétiques de langue allemande, c'est très ancien. Par exemple, l'histoire de l'esthétique de Robert Zimmermann, qui est un peu le manuel sur lequel se sont appuyées toutes les grandes histoires de l'esthétique qui ont suivi, en tout cas jusqu'au début du XXe siècle. C'est une histoire de l'esthétique qui ne parle que de références grecques et allemandes. Et c'est vrai qu'il y a un côté fermé quand même sur soi de toute cette esthétique allemande, un peu dans les références, hein, si on regarde un peu la bibliographie de l'esthétique, mais aussi un petit peu dans les œuvres musicales dont on parle et dans la manière dont on en parle. Moi, je suis très surpris dans l'histoire de la musique au XIXe siècle de Dallaus, qui est un ouvrage d'ailleurs non traduit, mais très dense, très long aussi, sur l'histoire de la musique. Quand on parle du final de la symphonie de César Franck, eh bien, Dallaus a l'air de ne pas comprendre cette esthétique. Dire, ben, c'est curieux, Dallaus utilise, au moment où on attend un développement du second thème, comme dans n'importe quel mouvement de sonate qui devrait être en place dans une finale de symphonie, eh bien, Franck, hein, mais Franck utilise le thème cyclique central de l'œuvre. Hein, et donc, Dallaus nous dit, ça montre qu'il y a un problème de construction, que la logique classique, que la logique symphonique n'est pas bien comprise, ce qui est quand même un grand malentendu. Dallaus dit, oui, c'est la théâtralité des Français. Voilà, c'est une œuvre qui tombe dans la théâtralité et qui perd de vue sa construction. C'est très curieux, puisque, bon, la forme cyclique, évidemment, c'est un principe de musique qu'on peut défendre comme un autre. D'ailleurs, Brahms lui-même l'utilise, hein, de manière exceptionnelle dans son quintette pour clarinette à la fin de sa carrière. C'est une forme comme une autre qui n'a pas moins de dignité qu'une forme sonate allemande, à vrai dire. et lui reprocher comme ceci d'être trop cohérent en quelque sorte, d'appliquer son esthétique par un excès de cohérence et du coup de manquer la construction que lui aurait donné une véritable pratique de la forme symphonique. C'est un gros contresens qui oublie aussi que dans une œuvre comme celle de Franck, on a aussi un point de passage avec l'œuvre berliozien et que finalement la forme cyclique ici, c'est aussi quelque chose qui a trait à l'idée fixe, que ce thème qui revient, c'est un peu aussi comme l'idée fixe dans la symphonie fantastique de Berlioz. On peut d'ailleurs rappeler que les œuvres de plus jeune Franck, hein, comme le Chasseur maudit, sont très profondément marquées par l'esthétique de Berlioz, jusque dans des détails d'orchestration. Donc ce qui est gênant, c'est que cette esthétique de Dalhaus, elle l'aide à lire, elle l'aide à problématiser. Mais je dois quand même bien avouer, parce que je crois que lire un texte, c'est aussi en faire une critique au sens plein et fort du terme. Parfois aussi, elle l'empêche de lire ou d'écouter certaines œuvres. Alors nous allons écouter le dernier mouvement de la symphonie en ré mineur de César Franck avec Pierre Monteux à la tête de l'Orchestre symphonique de Chicago. Mais d'abord, Épode, extrait de Chronochromie d'Olivier Messiaen avec Pierre Boulez à la tête de l'Orchestre de Cleveland. Thank you. monsieur avec qui j'ai commencé à parler vraiment, qui était très gentil, il m'a dit qu'en fait, chaque histoire triste avait un côté drôle. Enfin, parce que moi, j'ai dit oui, à partir de quelques années, quand vous regardez ces histoires tristes, ça vous touche pas, ou vous avez jamais pleuré, ou... Il me disait que non, et que chaque histoire triste avait un côté drôle. Jusqu'à midi, Julien Labia est l'invité de la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Nous avons écouté extrait de Chronochromie d'Olivier Messiaen et Pod par l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Et à l'instant, c'était le dernier mouvement de la symphonie en ré mineur de César Franck avec Pierre Monteux à la tête de l'orchestre symphonique de Chicago. Julien Labia, vous êtes le traducteur de l'esthétique de la musique de Karl Dallhaus, dont nous disions à l'instant, enfin il y a quelques minutes du coup, qu'effectivement il écoutait avec des oreilles peut-être un peu trop allemandes la musique de Franck au point de se perdre dans son analyse formelle. Et depuis le début de cette émission, on a passé un certain nombre de critères en revue qui nous font écouter les œuvres du passé. Il y a les filtres historiques, on a parlé aussi de la façon peut-être formelle de les écouter, si ce n'est politique, puisqu'on parlait de progressisme. Et puis, on n'a finalement pas parlé de Beau. Oui. Alors c'est le paradoxe un peu, hein. C'est le paradoxe même. Un peu, oui c'est très embêtant, hein. C'est très ennuyeux, mais c'est un peu le paradoxe du texte. Alors d'abord Dallhaus utilise de manière intelligente un Kant pour essayer de dire que dans ce qui nous plaît il y a des choses qui ne sont pas forcément belles, hein. Ce qui est un argument classique mais qui présente d'une manière très originale comme toujours avec lui, hein. Les références aux auteurs philosophiques, je les trouve fascinantes pour ça, elles sont toujours originales, c'est toujours problématisé, retourné, renversé, il y a un peu de style du conférencier qui va nous surprendre, mais en même temps il y a toujours quelque chose d'assez fort dans la lecture, c'est toujours assez profondément original et surprenant. Donc c'est curieux parce que justement les toutes premières lignes du texte commencent par défendre l'esthétique à partir d'une citation de Schoenberg, ce qui est quand même particulièrement complexe au point de vue conceptuel, puisqu'on sait les critiques de Schoenberg à l'égard de la critique, mais aussi en quelque sorte de l'esthétique. Quelle est l'idée ? Ben, c'est l'idée de toujours dire que derrière un jugement esthétique, donc un jugement qui se prononce sinon sur la beauté, au moins sur le sentiment que l'objet fait, il y a toujours en même temps... un matériau historique. Et donc, il n'y a pas de jugement esthétique qui soit indépendant d'un matériau historique, alors pas un matériau au sens d'Adorno, mais une matière, hein, un contexte qu'on ne peut pas séparer du jugement qu'on fait. Au fond, si on était un peu philosophe, ben c'est très proche, hein, si j'ose dire, de la critique par Hegel de la morale de Kant. Hein. Ce que Dallhaus fait, c'est mettre sur le même plan, en quelque sorte, la morale de Kant et son esthétique. Ça consiste à dire, c'est de la pureté. Tout ça c'est vrai, mais ça n'a pas d'effet dans le monde réel, ça ne peut pas s'inscrire en quelque sorte dans l'histoire, et donc le jugement esthétique, s'il reste simplement pur comme ce dont rêvait Kant, eh bien il reste abstrait. Alors il y a deux choses qui sont un peu surprenantes dans cette argumentation, c'est d'abord dire du bien de Kant, en disant qu'au fond, si Kant oppose aussi clairement l'art et la technique, c'est parce qu'il est plus aristotélicien que ce qu'il pense, et il a quand même l'idée qu'il y a un fait artistique dans lequel la règle, en quelque sorte, est importante. Que faire de la musique, par exemple, c'est avoir vu quels sont les maîtres du passé, avoir en quelque sorte une pratique de l'écriture, de la technique, une sorte d'artisanat de la musique, et ensuite être capable de produire du nouveau. Donc ça arrivait à réconcilier la critique de l'esthétique par Schoenberg et sa défense par Kant, c'est arriver à rapprocher Kant de Schoenberg, c'est quand même une sorte d'exploit. Alors on dit parfois que l'écriture de Dallhaus, c'est une sorte de galaxie, on voit des constellations, on arrive à lier des points qui sont en quelque sorte reliés uniquement par notre construction. Mais je crois qu'on peut filer un peu la métaphore et se dire que la grande qualité de cette constellation de l'esthétique que construit en quelque sorte Dallhaus, c'est de nous montrer que toute esthétique est relative à un point de vue. Et qu'en un sens, c'est comme la grande ours, c'est fait d'étoiles qui sont distantes de millions de kilomètres, mais de notre point de vue, ça fait bien une constellation, il y a bien un lien entre elles, parce que l'histoire est perspective, mais elle n'est pas perspective abstraite, elle est perspective à partir d'un point de vue, qui est un point de vue créateur, qui est un point de vue qui donne forme à quelque chose. Alors la question, c'est de savoir ce que c'est que l'esthétique pour Dallhaus, ben, c'est un grand mystère. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a quand même la question de la forme, oui. Puisque tout ça nous laisse penser qu'une forme serait... hyper dépendante d'une esthétique historique, alors que Kant nous amène à penser que finalement le beau pourrait être à peu près la seule chose sur laquelle on pourrait avoir un jugement à objet inconditionné, et les beautés formelles d'un Bach se posent là, dans le genre. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même une pureté de la forme qui nous donnerait une sorte d'intuition intellectuelle d'une beauté qui dépasse les contingences historiques, qui serait donc hors du temps. Oui, c'est assez compliqué. Ce que Dallhaus cherche à faire, c'est à ne pas réfléchir en termes de modèles et à se dire qu'il n'y a pas des modèles dans l'histoire de la musique qui seraient des espèces de références, des musters en quelque sorte, pour le dire en allemand, des choses qu'il faudrait imiter un peu à la finie, se donner comme un modèle ou comme un objectif. Donc c'est assez complexe parce que c'est aussi le sens de sa critique, qui à mon avis est plutôt d'ailleurs une bonne lecture qu'une critique du formalisme. Quand il analyse le formalisme, Dallhaus nous dit, en fait ce sont des gens qui vous disent que Ce qui fait que la musique fonctionne, c'est qu'elle est reçue. Et donc, c'est parce qu'elle fonctionne dans sa réception qu'elle est capable d'entrer dans l'histoire. Et selon lui, c'est la force de l'argument formaliste. Mais il dit aussi, par ailleurs, que les formalistes, qui sont aussi en quelque sorte des philosophes, mais les premiers musicologues, un petit peu au sens moderne du terme, mais ça consiste à dire que les formalistes se donnent l'idée d'une beauté intemporelle, mais qu'au fond, ils n'y arrivent pas, parce que l'histoire de la musique change, il y a des choses qui deviennent importantes qui ne l'étaient pas par le passé. Hein, justement, parce qu'un jugement esthétique, eh bien, ça n'est pas pur, en ce sens-là. Ça porte toujours avec soi de l'historique, et si ça porte de l'historique, ça veut dire que ça porte aussi avec soi la condition du changement. Alors avant d'écouter Jean-Sébastien Bach, peut-être pour conclure, ce mot d'esthétique qui est effectivement le titre de l'ouvrage de Karl Dallhaus que vous avez traduit pour Vrin, l'esthétique de la musique, c'est théoriquement un bout de la philosophie consacrée au beau, mais vous avez peut-être un doute sur le caractère intégralement philosophique de la démarche ? J'ai pas de doute parce que je crois qu'il y a... Si on fait un peu de la méta, du méta Dallhaus, ou si on s'intéresse un peu à la manière dont fonctionne Dallhaus, il y a une sorte de philosophie qui consiste à dire qu'il n'y a pas de temps retrouvé au sens proustien. Hein, Proust dit les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. Pour Dallhaus, il n'y a pas de paradis perdu parce qu'il y a toujours réflexion avec l'esthétique. Il n'y a jamais d'esthétique sans réflexion, il n'y a jamais de sentiment esthétique qui se passe totalement d'expression. Il le dit d'ailleurs un peu curieusement, il cite Karl Kraus. Hein, alors citer Karl Kraus pour parler de Herder, ce qui est un peu curieux si on regarde la manière dont l'histoire a fonctionné, mais il nous dit l'origine, c'est le but. Et donc l'idée, c'est que ce qui est immédiat, c'est toujours quelque chose qui en réalité est fait d'interrelations. Et la réflexion, donc, pour lui, elle n'est pas seconde, elle fait en fait partie de notre réflexion, en quelque sorte, ordinaire de la musique. Donc c'est le sens de cette citation originale de Schoenberg et du destin qu'elle connaît un peu dans le livre. Mais l'esthétique n'est pas responsable, si on garde l'image du paradis, de la chute. Hein. L'esthétique, c'est pas le péché originel de la lecture musicale, c'est pas ce qui nous fait tomber dans un enfer de relativisme où il n'y aurait de paradis retrouvé que quand on retrouve justement les œuvres du passé. Au contraire, pour lui, il n'y a pas de survie hors de l'esthétique. Et il dit d'une manière très surprenante, il n'y a pas de système philosophique de l'esthétique. En fait, l'esthétique fonctionne déjà comme un système. Et donc, le seul degré de systématicité ou de logique que l'esthétique peut supporter, c'est celui qu'elle crée en quelque sorte par elle-même. Au fond, l'esthétique, c'est un mouvement dans lequel on embarque très vite, on met en quelque sorte le doigt dans l'engrenage, et on construit cette espèce de constellation un peu perspectiviste, hein, dans laquelle les différentes choses s'organisent. Donc, c'est une vision qui est intéressante si on prête attention au fait qu'elle est très différente de celle d'Adorno à son époque. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de faire une philosophie de la musique en étant informé, hein, en sachant vraiment de quoi on parle. Et en quoi ça se différencie d'Adorno ? Eh bien, à mon avis, de plusieurs manières. J'ai envie de dire d'abord par le style qui est beaucoup plus académique, en un sens, qui est aussi, à mon avis, plus universitaire, que j'appellerais, on risque peut-être d'en fâcher certains, mais tout de même plus scientifique. Hein. Elle l'est aussi parce qu'elle n'est pas idéologique. C'est-à-dire qu'on peut réfuter ce que dit Dallhaus. On peut réfuter ce que dit Dallhaus, alors que c'est toujours un peu plus difficile pour Adorno, parce qu'il y a ce caractère idéologique. Je ne vais pas faire du Karl Popper en disant que seul ce qui est scientifique est ce qui est réfutable, mais tout de même, c'est plus facile, et donc c'est pour ça que c'est plus scientifique, parce que ça s'offre à la critique, c'est plus facile de discuter ce que dit Dallhaus, et c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'on ait pris le temps d'insister sur ce qu'il dit de Franck ou de Messiaen. Ça offre son flanc à la critique. Alors il y a des petites choses qui sont amusantes, parce qu'on sent de temps en temps, sinon l'amorce, au moins la possibilité d'un dialogue avec Adorno. Ils ont d'ailleurs correspondu, une correspondance qui est inédite. Hein. On en parlera peut-être une autre fois, parce qu'il y a des choses intéressantes ici aussi. On sent l'amorce, hein, d'un dialogue possible. Il y a des réflexions sur la maîtrise autoritaire des grandes formes par les compositeurs dans le dernier chapitre sur les critères de la critique. Il y a des considérations sur Brecht et sur Weill, sur la manière dont ils utilisent la convention pour introduire des éléments un peu révolutionnaires. Mais il n'y a jamais d'arguments idéologiques, et je crois que c'est un peu la force de ce texte de Dallhaus si on le compare à ceux qui sont produits en quelque sorte par Adorno. Ce qui me semble aussi très important ou très, très intéressant, c'est cette critique en quelque sorte de la dictature du matériau tel que la pense Schoenberg. Ça, on ne le voit jamais qu'en filigrane, on peut le reconstituer un peu à partir du parcours de Dalaus, mais il me semble que c'est très profondément intéressant pour lire la musique au XXe siècle. On va plutôt dire pour ne fâcher personne, et parce que je pense que c'est un peu le dernier mot de tout ceci, mais que ce sont plus des visions complémentaires que des visions qui s'excluraient absolument. Mais je crois qu'il y a quand même une force de Dalaus sur ce plan-là qui explique peut-être aussi son succès dans l'institution philosophique, mais aussi musicologique. En tout cas, ça enrichit notre écoute. Merci beaucoup, Julien Labia, d'être venu à la radio Parfaite. Vous êtes le traducteur de l'esthétique de la musique de Karl Dalaus, paru chez Vrin. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio Parfaite. La radio parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, et maintenant, un poème. Liste des histoires que je ne raconterai pas, de Jean-Michel Espitalier. Histoire de la bonne réponse. Il n'existe en réalité qu'une seule question vraiment efficace, et cette question est: quelle est la réponse ? Voilà donc les choses considérablement simplifiées, puisque à la question « quelle est la réponse ?», la réponse est immanquablement « quelle est la question ?». Histoire des Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Pierre Bertrand, Jean-Pierre Robert, Jean-Pierre Balpe, Jean-Pierre Cassel, Jean-Pierre Lemaire, Jean-Pierre Pierre Bloch, Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre Soissons, Jean-Pierre Chex, Jean-Pierre Andrevon, Jean-Pierre Bobillot, Jean-Pierre Elkabach, Jean-Pierre Spilmont, Jean-Pierre Greff, Jean-Pierre Timbaud. Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Pierre Vernant, Jean-Pierre Vidal, Jean-Pierre Aumont, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Roux, Jean-Pierre Siméon, Jean-Pierre Simoen, Jean-Pierre Boyer. Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Pierre Salgas, Jean-Pierre Saint-Yves, Jean-Pierre Pernaud, Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre René, Jean-Pierre Richard, Jean-Pierre Paneda, Jean-Pierre Ostende, Jean-Pierre Genet, Jean-Pierre Faille. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Histoire de la première fois. La première fois n'arrive qu'une seule fois, la première. Qui est aussi toujours la dernière fois que c'est la première. La deuxième fois n'arrive qu'une seule fois, la première aussi. Qui est aussi la dernière fois que c'est la première fois que c'est la deuxième. Histoire du discours amoureux. Je t'aime. Moi aussi. Je sais. Je sais que tu le sais. Je sais que tu sais que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu le sais, tu sais que je sais que tu sais que je le sais. Et tu sais que je sais que tu sais que je t'aime. Je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais que je t'aime. Et je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu le sais. Et tu aimes que je le sache ? Oui, j'aime savoir que tu le sais. J'aime que tu saches que je sais que tu m'aimes. Et moi, j'aime savoir que tu sais que je sais que tu aimes savoir que je t'aime. J'aime savoir que tu saches que je sais que tu sais que j'aime aimer savoir que tu saches que je sais que tu m'aimes. J'aime t'aimer. Et moi, j'aime aimer que tu aimes le savoir. Je sais que tu m'aimes et j'aime savoir que tu sais que je le sais. Je t'aime. Je sais. Je le savais. Liste des histoires que je ne raconterai pas, de Jean-Michel Espitalier, enregistré le 11 mars 2005 au Centre international de poésie de Marseille.